Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Nina Simone, chanteuse et militante. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I think I would have been happier. Le rêve de Nina Simone était de devenir la première pianiste classique noire au monde, comme elle le dit dans cette entrevue accordée à la télévision française en 1991. Si Nina Simone ne réalisera jamais son vieux rêve d'enfance, elle n'en restera pas moins l'une des plus grandes chanteuses de jazz du 20e siècle. Mais Nina Simone ne se contentera pas de reprendre de vieux classiques du jazz. Sa musique va devenir très rapidement le reflet de son engagement social. Qu'est-ce que la liberté pour moi? C'est un sentiment. C'est comme demander à quelqu'un c'est comment d'être amoureux. Vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne l'avez jamais vécu. Vous pouvez décrire des choses, mais vous ne pouvez pas le dire précisément. Par contre, vous le savez quand ça se produit. Et c'est ça que j'appelle la liberté. Je l'ai vécu quelques fois sur scène alors que je me sentais vraiment libre, et c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Je vais vous dire ce qu'est la liberté pour moi. Ne pas avoir peur. N'avoir vraiment aucune peur. Si seulement je pouvais me sentir comme ça durant la moitié de ma vie. Aucune peur. If I could have that half of my life, no fear. Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind, and wild as a wind. Wild is the Wind, interprété par Nina Simone. Nina Simone, que vous entendiez également dans cet extrait, donner sa définition de la liberté dans une entrevue qu'elle accorde en 1968. Pour nous présenter la grande Nina Simone, j'accueille mon collègue Stanley Péan, animateur à Ici Musique de l'émission Quand le jazz est là. Stanley Péan, bonjour. Bonjour, Jacques. Un plaisir de vous retrouver. Un plaisir d'y retourner. Et pour parler de cette grande, grande dame de la musique, Nina Simone, quelle place elle occupe dans l'histoire du jazz au 20e siècle, Stanley? Oh, elle est au panthéon des plus grandes artistes de jazz, c'est sûr. C'est d'abord une pianiste virtuose. On sait qu'elle a voulu être la première pianiste classique noire. Et donc, pour des raisons qui sont vraiment hors de son contrôle, des raisons liées au racisme, elle n'aura pas accès au Curtis Institute où elle comptait perfectionner ses études en musique classique. Et donc, c'est un peu... par manque de choix qu'elle va se tourner vers la musique populaire, notamment le jazz. Mais elle va s'illustrer de manière extraordinaire. Comment on peut la comparer, par exemple, toujours sur la place qu'elle occupe au panthéon des plus grands? Comment est-ce qu'on compare Nina Simone à, je sais pas moi, à une Ella Fitzgerald ou à une Billie Holiday, par exemple? Évidemment, on la mettrait plus dans la lignée de Billie Holiday à cause de la souffrance qu'elle exprime. Ella Fitzgerald, malgré qu'elle ait eu une vie aussi difficile que les autres, elle dégage surtout la joie de vivre. Ella Fitzgerald, c'est une entertainer. Je pourrais pas dire ça de Nina Simone. Nina Simone, très rapidement, va prendre, dans la suite de ce que Billie Holiday a fait avec Strange Fruit, et une pièce que reprendra Nina Simone, donc elle va exprimer une certaine douleur, mais une certaine colère d'une génération de Noirs qui n'acceptent plus d'être des citoyens de deuxième zone. Oui, ça va être vraiment très, très important dans sa vie, cet engagement, et ça va s'entendre, on va y revenir dans un instant, mais ça va s'entendre dans sa musique. Parlons du début, comment la musique arrive dans sa vie. À quel âge la petite Nina se met au piano? Elle s'intéresse tout de suite au piano, puis au piano classique. Rien ne la destine à ça, mais pourtant, elle aura des gens qui vont la guider vers ça parce qu'on sent le talent chez elle. et va se rendre assez loin dans ses études en piano classique. C'est vraiment le dernier petit coup qui valait, qui lui sera refusé quand elle va se voir interdire d'étudier au Curtis Institute. Ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin de sa vie, Curtis Institute lui donnera un doctorat honoris causa. Ouais. Le même institut qui lui a refusé d'étudier là reconnaîtra à quel point c'était une pianiste brillante à qui on a coupé les ailes, d'une certaine manière. Donc, très jeune, 3 ans, 4 ans, elle est déjà devant son clavier. Et puis, elle est aidée parce que, bon, autant elle serait refusée pour des raisons de racisme à cet institut, ses conditions sociales, ils sont pas très riches, la couleur de sa peau, dès le départ, ça a une influence sur son destin. Ça, tout milite contre elle, en fait. Et c'est vraiment cet amour de la musique classique d'abord, puisque c'est vraiment ça qu'elle aimait, qui l'a fait persévérer. Ouais. Mais elle va t'aider, même financièrement, parce que... Oui, comme je dis, il y a des gens qui vont lui faciliter ces études-là, mais la barrière qui lui sera opposée va vraiment empêcher d'éclore complètement ce talent. Ouais. Donc, c'est au fond, à partir du moment où cette barrière se pose sur sa route, c'est la fin de ce rêve de devenir pianiste classique, la première pianiste classique noire au monde. C'est par dépit, au fond, Stanley Péan, qu'elle se retrouve à jouer dans les clubs. Ouais. Oui, parce qu'elle doit gagner sa vie. C'est ce qu'elle sait faire. Elle aime tellement la musique que, peu importe la musique qu'elle jouera, au moins, elle sera encore dans ce domaine-là. Et la voilà, donc, à jouer comme pianiste de jazz, en petite formation, dans des clubs. Va se retrouver à Atlantic City. Et là, comme Nat King Cole avant elle, comme beaucoup d'autres, être entertainer, c'est aussi chanter, et surtout quand on est noir. Et donc, on va lui imposer le fait de chanter. On va lui dire, il faut que tu chantes. Ouais. Et bon, elle a une voix particulière. Ce n'est pas une belle voix comme Ella Fitzgerald. C'est une voix de styliste. Encore là, ça la place dans la lignée de Billie Holiday. Mais elle chante juste. Elle chante avec une intensité qu'on y croit, en fait. Et elle va reprendre ce « I love you, Porgy » que chantait Billie Holiday aussi. I love you, Porgy. Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. C'est cette chanson, I Love You Porgy, Stanley Péan, qui vraiment lance la carrière de Nina Simone. Oui, et on est en 1957 à ce moment-là. Elle va signer avec un petit label, Bethlehem Records, qui va lui permettre de faire ses premiers disques. Et donc, ce I Love You Porgy va même lui permettre d'apparaître à la télévision dans les talk shows de fin de soirée. On peut trouver ça encore sur YouTube. Ces extraits où on voit Nina Simone toute jeune, toute... comment dire, calme. C'est pas encore la Nina Simone en colère des années 60. C'est cette femme qui chante les standards de jazz, qui les chante extrêmement bien en s'accompagnant au piano. Elle ouvre une sorte de tradition là, qui va suivre. Il y en aura d'autres par la suite, des chanteuses pianistes, mais Nina Simone est une des premières et elle le fait brillamment, ouais. Entourée de musiciens avec qui elle a un rapport d'intimité. Son batteur, son guitariste, son contrebassiste sont des gens qui sont en dialogue avec elle. Donc, elle fait vraiment partie du groupe. C'est pas la chanteuse à l'avant avec l'orchestre qui l'accompagne. C'est vraiment une musicienne qui dialogue avec ses pairs. Il y a de très beaux témoignages. D'ailleurs, quand on regarde un peu ce qui s'est fait, les documents, tout ça. Il y a de très, très beaux témoignages de certains de ces musiciens. On sent ce ciment qui les soude. Vous parlez de la pianiste. Effectivement, ça ne sera pas la seule chanteuse pianiste, mais Nina Simone, ça a été presque cette grande pianiste classique qu'elle voulait être. Et ça va rester tout au cours de sa carrière. Même quand elle reprend de vieux succès du jazz, la touche, on l'entend, et ça peut donner ce genre, pas de délire, de délice. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You. L'amour, tout l'amour de Nina Simone pour la musique classique, sa formation aussi de musicienne classique, on l'entend bien dans cet extrait. Oui, et de manière inopinée, en plein milieu de son solo, c'est Love Me or Leave Me, qu'avait chanté Billie Holiday aussi. Et pendant le solo de piano, tout d'un coup, elle bascule à la manière de Bach. Alors, c'est vraiment un pastiche, la musique de Bach. C'est pas un morceau de Bach qu'elle joue. Elle improvise en imitant le style de construction tout à fait Bach. Et il faut entendre les musiciens qui tiennent leur bout d'une certaine manière. Ouais. Les musiciens restent, eux, en jazz. Elle bascule dans le classique. Puis il y a un bel équilibre, une belle tension. Et elle retombe, on l'a entendu, elle retombe sur ses pattes avec une élégance. Et elle retombe dans le standard. Et ça se poursuit comme si c'était tout naturel de faire cette fusion. C'est encore nouveau de faire une fusion entre la musique classique et le jazz. Et il y a là son intelligence musicale. Il y a sa virtuosité. Mais il n'y a pas de tape à l'œil là-dedans. Il n'y a pas « regardez-moi aller ». Il y a quelque chose de très organique dans sa manière de glisser d'un univers à l'autre. Elle a besoin de le faire comme ça, en fait, parce qu'elle aime profondément cette musique encore. Elle n'est pas guérie de ça. L'entrevue qu'on a entendue au début le dit bien. Elle n'est pas guérie de cette blessure. Je n'ai pas pu être cette musicienne classique que je voulais être. Ouais. Je le disais au tout début de l'émission, Nina Simone va, évidemment, donc, c'était le cas. Elle réinterprétait en lui donnant une touche classique, un vieux classique du jazz. Elle va en faire plein de standards. Elle va en faire tout plein. Mais graduellement, sa musique va se transformer et va être de plus en plus engagée, va être le reflet de son engagement social à elle. Et il y aura dans cette mutation un point de départ assez percutant, 1963, Mississippi, Goddamn. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand this pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Tennessee's made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Mississippi Goddamn. Mississippi Goddamn n'est pas passé inaperçu. C'était quelque chose de nouveau. C'est lié au fait d'être une femme. Les Noirs ont enduré bien des souffrances, mais pas un homme noir n'oserait dire « Bon Dieu de Mississippi ». Et puis le fait que quelqu'un d'aussi connu qu'elle parle de notre problème, c'était réjouissant. On avait tous envie de le dire, et elle l'a fait. Bon Dieu de Mississippi. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat across my path. I think every day's gonna be my last. Oh, but my country is full of lies. C'est un extrait du documentaire What Happened to Miss Simone qu'on entendait, une réalisation de Liz Garbus en 2015. Cette chanson, elle va être très, très importante. C'est vraiment une charnière, Mississippi Goddamn, dans la carrière de Nina Simone. Oui, parce que jusqu'alors, il y avait dans ses reprises de chansons traditionnelles, de chansons de standards du jazz, il y avait des touches qui laissaient paraître ses racines afro-américaines. Elle parlait un peu de la culture afro-américaine, mais elle en parlait de manière très folklorique. Là arrive cette chanson au contenu plutôt virulent sur la question de l'égalité raciale aux États-Unis, sur les droits des Noirs, parce que qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait un moment que c'est commencé, la lutte pour les droits civiques, et Emmett Till a été tué au milieu des années 50, et là, ce qui arrive cette année-là, en 63, c'est l'explosion, l'attaque à la bombe de cette église à Birmingham, en Alabama, un attentat revendiqué par le Ku Klux Klan en réponse au fameux « I have a dream » de Martin Luther King. Et donc, il y a ça d'abord. Il y a aussi l'assassinat de Medgar Evers à la même période, qui là, c'est trop. Ouais. Et là, elle dit, elle commence cette chanson avec beaucoup d'humour. Elle dit, c'est une chanson tirée d'une comédie musicale, comme si c'était un standard. La comédie musicale n'existe pas encore et il n'y a rien de comique dans ce qu'elle va chanter. Et elle dit, le Mississippi me fait chier carrément. Ouais. Et j'entendais la traduction, bon Dieu de Mississippi, Goddamn, c'est plus violent que bon Dieu. Ouais. Goddamn, c'est la damnation qu'on est en train de dire là. Ouais. Et elle dit, le Mississippi et tous les États du Sud me font vraiment me mettre en colère. Ouais. Et on l'entend pour la première fois, cette colère-là, sur disque. Elle vient tout juste de changer de maison de disque. Elle est chez Philips. Je ne sais pas si c'est lié à la permission qu'elle se donne. C'est une firme scandinave. Ouais. Elle n'enregistre plus avec un label américain à ce moment-là. Et c'est la première d'une série de chansons qui vont porter sur ces questions-là. Et c'est culotté quand même pour elle, parce que c'est une prise de parole très forte, très virulente, comme vous le disiez. On l'entendait dans l'extrait, là. Quelqu'un disait, elle dit ce qu'on veut tous dire, mais que personne n'ose dire. Et c'est elle, une femme, Nina Simone, qui porte cette parole. Quel impact ça va avoir? Comment va être reçue cette chanson? Puis quel impact ça va avoir, cet engagement, tout à coup, assez virulent de Nina Simone? Du coup, elle est sur la liste noire de ceux qui surveillent les activistes pro-droits civiques pour les Noirs. Hein? Et donc, on la surveille. Elle finira par être, comment dire, barrée, chassée des États-Unis. On lui permettra pas de vivre aux États-Unis, pas facilement, en tout cas. Et justement, elle... Sa parole virulente, elle s'oppose même à ce que dit Martin Luther King. Lui, il prône la non-violence. Elle en a marre de la non-violence. Oui. Elle est prête à prendre un revolver et les tuer tous. Et elle le dira. Et pourtant, on peut pas dire que c'était une femme raciste. C'est une femme qui milite pour l'égalité des droits. Mais là, trop c'est trop. Quand même. Ça va avoir un impact donc sur sa carrière. Son gérant, qui est aussi son mari, ça va avoir un impact aussi. On prend en bonne note. En fait, il doit gérer une carrière qui s'en va peut-être pas là où il pensait que ça irait. Lui, il pensait qu'il gérerait une carrière de diva du jazz. Serait comme Ella, ce serait comme Billy. Alors, on l'a fait jouer Carnegie Hall et ces endroits-là. Et ça devient rapidement difficile parce que elle est bannie un peu de la radio pour ces chansons-là. Il y a des radios qui ne tournent pas les pièces de Miss Nina Simone parce que c'est controversé. Et donc, c'est parfois difficile de remplir les salles de concert, quoiqu'elle a un public fidèle, mais c'est un personnage sulfureux. Ouais. Et ça commence donc, ça commence à être difficile dans le couple. Prenons quand même un instant, parce que c'est une partie de la vie de Nina Simone qui est peut-être moins connue. Mais c'est difficile. Une relation vraiment... C'est très, très difficile. La violence, l'alcool font partie de la réalité de tous les jours. Et il a une relation extrêmement abusive avec elle. Mais elle aussi, elle n'est pas facile. Et au milieu de cette relation orageuse, il y a l'enfant. Il y a celle qui va devenir Lisa Simone, la chanteuse qu'on connaît maintenant, qui est prise entre ses deux parents totalement excessifs et qui est prise en otage par cette relation qui est une relation... de brutalité, une relation où c'est totalement infernal pour les trois membres de cette famille-là. Bon, on a parlé évidemment de la place immense qu'elle va avoir dans l'histoire de la musique au 20e siècle. Son aspect plus engagé, son militantisme. Vous parliez de Martin Luther King. Elle est plutôt du côté de l'action violente, pas King. Quelle place elle va occuper dans cette grande marche des Noirs vers leur égalité? Quel impact elle aura, en fait, sur le plan du militantisme? Sur le plan du militantisme, elle est souvent dans les rassemblements pour les droits civiques. On l'entend chanter là, Mississippi Goddamn, Strange Fruit de Billie Holiday, une chanson comme Four Women qu'elle va écrire elle-même, une chanson qui date de 1966 où elle décrit quatre destins de femmes noires. Elle le décrit avec pas de complaisance. C'est extrêmement dur comme chanson. Une autre chanson qui sera interdite de radio parce qu'elle est considérée comme une chanson qui va mettre le feu aux poudres. Et puis, il n'y a pas seulement Four Women. On est en 67. Elle a quitté à ce moment-là Philips et elle passe chez RCA Victor. RCA Victor, c'est une des plus grandes firmes de disques aux États-Unis. C'est international aussi. C'est Elvis Presley, mais d'un côté, elle chante là-dessus sur son disque Nina Simone Sings the Blues en 67. Elle va chanter Backlash Blues qui est en réponse directe à la condition de vie des Noirs. Là, c'est plus juste l'inégalité. Et puis c'est un texte de son ami Langston Hughes, parce qu'il faut dire qu'elle côtoie depuis la fin des années 50 la crème de l'intelligentsia noire américaine, que ce soit Langston Hughes ou que ce soit James Baldwin. Tous ces gens-là sont ses amis, sont des gens qui nourrissent sa réflexion sur la condition. Et elle nourrit le mouvement aussi. Elle va chanter « I wish... » I knew how it would feel to be free à cette époque-là. Et donc, c'est encore cette question de liberté qui revient dans son discours. Ouais. Elle va chanter Turning Point. C'est le point tournant. Elle sait qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Et elle dira plus tard, j'ai quitté les États-Unis parce que ce pays, elle les appelait les United Snakes of America, les serpents unis de l'Amérique. Ce pays m'a déçu, mon peuple, les Noirs m'ont déçu parce qu'ils n'ont pas été capables de réussir à prendre leur place. Et c'est en 70, de fait, qu'elle va quitter les États-Unis. Petite parenthèse, mais ce côté très, très militant, parce que moi, en préparant l'émission, je l'ai découvert, en fait, et dans ce documentaire, What Happened to Miss Simone, vraiment on voit la place que ça va occuper et la place qu'elle aura dans ce militantisme noir des années 60. On a souvent parfois l'impression que ce n'est que cette chanteuse extraordinaire qu'elle a été, mais en tout cas, dans ce documentaire, entre autres, on voit bien que c'était beaucoup plus que ça, tout ce côté engagé. Elle part donc en 70, elle quitte les États-Unis, plus capable de vivre dans ce pays, des questions d'impôts aussi non payées. Et là, vraiment, elle va, puis ça va durer quoi, 20, 30 ans, mais elle va bourlinguer partout, en Afrique, en Europe. En Europe. Comment décrire cette période longue, mais cette dernière période de la vie de Nina Simone? C'est une sorte de longue déchéance, il faut le dire. Et elle reste aussi pertinente. Elle va enregistrer dans les années 70 Baltimore, sur la ville de Baltimore. Elle va enregistrer encore des plages importantes dans sa discographie, mais c'est une longue déchéance parce que tous ses problèmes, et ses problèmes sont nombreux, il y a l'alcoolisme, il y a le côté bipolaire, elle est dépressive, elle est extrêmement violente. Tous ces problèmes-là ont fait d'elle un personnage non grata dans le showbiz. On ne veut pas l'engager, elle est tellement imprévisible, on ne va pas la mettre sur une scène où elle va se mettre à insulter le public ou même à blesser des membres du public. Ça lui est arrivé de prendre un couteau puis dans un club puis d'aller faire taire quelqu'un qui parle trop. Ouais. Donc tout ça lui donne une réputation de personnage non fiable, qu'on veut pas avoir là. Puis donc elle s'enfonce, elle carbure au champagne, elle a cette relation très, très violente, abusive avec son dernier agent et grand ami qui s'appelle Clifton Anderson, qui va être avec lui dans les dernières années de sa vie, qu'elle a connu à l'hôpital. Il était un des infirmiers qui prenait soin d'elle une fois qu'elle aura été internée pour, encore une fois, un acte de violence. C'est avec un revolver qu'elle débarque à réclamer ses droits d'auteur dans une firme américaine. Donc, elle est internée. Et là, ça va continuer à descendre. Elle voit presque pas sa fille. Il y aura quand même cette petite lumière à la fin de sa vie, cette réconciliation avec Lisa Simone. Au moment où Lisa Simone devient mère, ils vont se rapprocher, Nina et Lisa. Ils vont même chanter ensemble sur scène dans un festival en Europe. Mais en gros, c'est sa vie française, c'est le déclin de Nina Simone. C'est un déclin qui rend triste quand on sait tout le talent qu'elle avait. Elle pratiquait plus assez avec sa voix, avec son piano. C'est comme n'importe quoi d'autre. Il faut chanter pour mieux chanter. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'on retient beaucoup, enfin, ceux qui connaissent moins retiennent beaucoup la grande, grande chanteuse de la fin des années 50, début 60, plutôt que celle par la suite qui deviendra le personnage difficile. Et qui va se perdre un petit peu, peut-être, dans ça. Absolument. Stanley Péan, animateur de l'émission « Quand le jazz est là » et « Ici musique », merci beaucoup, Stanley. Merci, Jean. C'est un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. There is a house in New Orleans. They call it the rising sun. It's been the ruin. Many poor girls and me, oh God, I'm one. Yeah, if I'd only listen what my mama said, I'd be at home today. Being so young and foolish, I let a gambler lead me astray.